En cette période de l'année, vous pensez certainement à vos REER et il est très important de préparer votre retraite. Cette année pour vos REER, contactez Monsieur Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès du service financier Jacqueline Doucet et représentant en épargne collective rattaché à Mika Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Les placements, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec les gens qui connaissent le milieu et qui sont des spécialistes dans le domaine. Monsieur Jacqueline Doucet vous donnera de judicieux conseils pour que vous profitiez de bons placements. N'attendez pas à la dernière minute. Contactez M. Jacqueline Doucet au 418-276-6170. 276-6170. Match hier entre l'Impact et une équipe de Costa Rica devant 21 000 spectateurs. Le match retour. On parle avec notre ami Benoît Lavoie d'Espace Soccer.com, la référence du soccer au Saguenay Lac-Saint-Jean. Salut Benoît. Salut Danny. Benoît, hier, écoute, j'ai enregistré le match, j'ai pas écouté évidemment en raison de mon travail que je me lève très très tôt. Par contre, j'ai vu une verdict nulle de 0-0. Du côté de Thierry Henry, on a décidé d'ouvrir probablement de jouer très très très très prudemment. C'est ça qu'on a fait. Oui, match très défensif. Bon, pour le fan de soccer, pour la personne qui va au stade, qui suit pas nécessairement le soccer, qui regarde un match comme ça, c'est pas le gros happening, si tu veux, là, parce que là, on avait une équipe qui la jouait à défensive aussi. Mais pour les amateurs de soccer, pour les amateurs comme moi, mettons, qui aiment bien écouter le foot, qui suit le football international un peu et tout, écoute, on s'attendait à un genre de match comme ça. Tant qu'il n'y a pas de but du côté du Deportivo, ça prit ça, ben, on allait avoir un match comme ça. Mais dès le début de la rencontre, Boyan a eu une occasion de marquer. S'il y a un but là, ça change la donne aussi. Et de l'autre côté, Clément Diop a fait un arrêt incroyable en début de match aussi. Si ça prit ça, marque à ce moment-là, le match peut complètement changer là, à ce moment-là. Mais tant qu'il n'y a pas eu de but, l'Impact a joué à différents styles de jeu avec 5 défenses. Souvent dans le match, on trouvait l'Impact avec 5 joueurs en défense. Et je pense que, écoute, comme j'ai assisté à la conférence de presse de Thierry Henry après le match, et oui, j'étais là, et je te dirais que comme il l'a mentionné, tant que c'était un match comme ça, c'était pas on va améliorer des choses, puis on a des blessés à travers ça, c'est juste le deuxième match que les gars ont dans les jambes, c'est pas gros non plus. C'est une belle victoire, mais là, l'Impact avance en quart de finale. Là, ce soir, il y a le match Seattle contre une équipe du Honduras, donc ça va se décider là, pour le prochain adversaire de l'Impact. Là. OK, donc, l'équipe du Honduras, est-ce qu'elle est intéressante? Ouais. L'équipe de Saprissa? Ouais, l'autre équipe qui va affronter l'Impact, Ça dépend, parce que Seattle n'a pas un mauvais club non plus. Ça va dépendre du résultat de ce soir entre ces deux équipes-là. Ça va être un match, ça va être un peu comme l'Impact a eu, ça va être du calibre à sa prise. Ça, j'ai l'impression, si c'est le club du Honduras. Maintenant, si c'est Seattle, ben, c'est un club à MLS que l'Impact est plus familier un peu à rencontrer. Mais on va le savoir à soir. Tu sais, hier, après le match de l'Impact, j'ai regardé un peu, là, le club América a gagné au tir au but contre un club du Guatemala. Fait que le club América a été chanceux de remporter son match, donc c'est eux qui avancent là, en quart de finale aussi dans un autre pool pour le quart de finale. Donc, à voir la suite, mais Danny, c'est dangereux un peu. On sait qu'est-ce que ça fait les matchs de Ligue des Champions. Hein. C'est une surcharge pour les joueurs et l'Impact rend. On l'a vu il y a 5 ans. Quand on joue sur deux tableaux, on l'a vu que Toronto aussi, on rappelle-toi quand Toronto a perdu en finale comme l'Impact en Ligue des Champions, comment est-ce que la saison de la MLS avait été difficile. Et pourtant, Toronto a beaucoup plus de profondeur que l'Impact de Montréal. J'ai hâte de voir parce que déjà samedi soir, là, qui va être dans les buts? Est-ce qu'on va donner la chance à Bush de prendre son premier départ ou on va y aller encore avec Diop? Ça, j'ai hâte de voir comment ça va se confirmer cette décision-là. En défensive centrale, on a eu une blessure encore. Aitala hier qui s'est blessé. En défensive centrale, faut juste rappeler hier qu'on a fait jouer le nouveau joueur de l'Impact là, le qu'on est allé chercher à Tottenham, le jeune de 19 ans. C'était son premier match là, de niveau international, son premier match à Montréal. Moi, je tiens à féliciter le Rod Fanny là, qui depuis le début de la saison là, qui je pense qu'écoute, il joue avec différents joueurs et on parce que tu sais, faut créer la chimie de l'équipe, Danny, là, puis on n'est pas rendu là encore, là, on est en début de saison. Et déjà samedi, on va voir qu'est-ce qui va se passer là, dans le premier match de MLS. Là. OK, parce que c'est important les premiers matchs de MLS aussi. Là. C'est très, très important. Donc, ça commence samedi à l'Impact au Stade Olympique. Samedi à 3h en après-midi. Donc, tu vois, c'est samedi, c'est pas samedi en soirée, samedi à 15h. J'ai hâte de voir l'affluence du stade. Hier, 21 000 personnes. Est-ce que si tu vas voir sur ma page Facebook, là, qu'est-ce que ça donne? J'ai pris une vidéo, j'ai fait le tour du stade, l'affluence un peu. Et quand ils ont annoncé la foule, j'ai dit 21 000, voici à quoi ça ressemble dans le stade olympique. C'est, ouais. C'est sûr. Ça fait des sièges vides beaucoup, mais il y avait de l'ambiance quand même. Il y a les ultras, les 1642, ça chantait beaucoup, il y avait beaucoup de chants. Il y a eu des moments où les gens étaient debout sur leur siège, des arrêts que Clément Diop ont fait. Donc, on pourrait peut-être, le match de samedi, on pourrait peut-être en viser un 25-30 000, j'ai hâte de voir. Ben oui, je souhaite pour les joueurs de l'Impact parce que, écoute, là, avec Thierry Henry, puis aussi Thierry Henry, il s'exprime très bien hein, quand tu arrives en conférence de presse. Là, puis je l'avais pris à la télévision, là, il a passé justement mardi soir. As-tu la chance de parler avec Thierry Henry? Non, j'ai pas eu la chance de parler à Thierry Henry. C'est pas évident, là. J'aurais pu poser mes questions, mais tu vois que les journalistes montréalais, là, c'est comme. Comment vous êtes à peu près, hein? Comment est-ce qu'il y a de journalistes? Ouais. Ah, ben, dans le match, dans la conférence, dans la salle de presse au stade, il y avait quand même deux rangées, là. Il y avait des gens du Costa Rica aussi. Il y a peut-être une 25-30 journalistes. Okay. Et après, alentour, là, à la conférence de presse, il y a les caméras et tout ça. Peut-être une vingtaine à être là aussi. Ceux qui suivent l'Impact à chaque saison. Fait que c'est tout ça pas mal, là. OK. 21. Hey, en terminant, Ray Lalonde hier au 98.5, j'ai tellement eu du fun hier. Il a dit exactement ce qu'on dit depuis des années, que l'Impact doit s'investir beaucoup plus en région, que ça peut pas être juste l'équipe de Montréal. Quand ça vient d'un spécialiste du marketing, de Montréal, ouais, un spécialiste de marketing de tout ça, non. Ça me fait rire et puis je suis content. Ben écoute, Danny, toi et moi, on en parle, ça fait des années. Ça fait combien d'années qu'on fait des chroniques ensemble? Ouais. Je pense que ça doit faire 6-7 ans déjà. Et puis, moi, j'ai réussi de par mon site internet, de par mes publications Facebook, de par mes chroniques avec toi, de par mes chroniques avec dans le vestiaire avec Michel Tifosi. Donc, je pense que hier, il y a quelqu'un, un ami qui me disait « t'as des bons contacts ». Ben, je dis « non, écoute, moi, je fais du travail. Quand même, je mets du temps là-dedans, puis je viens. Ah, c'est des dettes personnelles. Là. L'Impact devrait encourager ça plus encore. Ah oui, moi, les Alouettes, je le dis tout le temps, les Alouettes, et tout ce que je veux, ou presque des Alouettes. Ben, c'est ça. T'sais, en tout cas, moi. Tu sais, moi, Danny, je profite de ma passion là, pour monter à Montréal, puis aller voir ça. J'aime ça quand je dis à mes amis, j'ai des accréditations médias, mais quand je regarde un peu, puis je fais un petit recul dans le temps, je mets quand même de l'énergie à travers ça. Là, Michel Tifo et toi, Tifo, c'est encore plus régulier. Dans le vestiaire, j'ai une émission j'ai une chronique à tous les semaines depuis 5-6 ans. Fait que il y a quand même un peu de travail qui est mis à ce niveau-là. C'est pas juste de l'improvisation quand tu arrives à faire mes chroniques. Là, je vais chercher des détails, je vais chercher des résultats, je fouille mes affaires un peu. Comme je fais avec toi aussi quand on fait les bilans de saison à chaque année. Mais je pense que l'Impact doit créditer ça. Puis dans les autres régions, tu sais, je regarde les autres régions et je vois pas grand monde des régions là, dans les tribunes de la Galerie de la Presse. Ben, c'est ça. Puis à quelque part, les régions, écoute, les résultats sont même pas dans le Journal de Québec. Il y a peut-être une faute pour le journal, mais l'Impact a à y voir aussi, là. Quand on dit qu'on essaye d'avoir des joueurs, puis que c'est plus facile d'avoir des joueurs avec les Wildcats de Vancouver qui n'ont rien à vendre, regarde, ça en dit long. Ça en dit très, très long sur la collaboration de l'Impact. Puis tu sais, j'écoutais Jérémy Filosa l'autre fois, qui tweetait l'autre fois qu'il n'y avait aucun journaliste pour la présentation du capitaine de l'Impact. Puis là, mon chum Frédéric Degg a mentionné. On a même pas eu de convocation. Peut-être si on aurait une convocation, ça aurait aidé. Ça en a dit long, là. Non, rendu là, je sais pas, mais comme je dis, j'ai l'impression que l'Impact travaille beaucoup, beaucoup le web média, là, le média web. Je sais pas, on dirait que c'est là-dessus qu'il travaille. Ouais. Mais, veux pas, peut-être qu'en mettant plus d'énergie à ce niveau-là, comme tu parles, on n'aurait pas eu un stade de 21 000 hier, on aurait peut-être pogné de 35 40 000. Oui, exactement. Puis dans le temps des expos, une chance que les gens des régions étaient là pour appuyer les expos aussi. Il n'y a pas rien que les gens de Montréal, là, c'est la même affaire. Là. Benoît, gros merci. On invite les gens à aller sur espacesoccer.com, la référence du soccer au Saint-Lex-Jean. Yes, salut Danny, merci. Benoît Lavoie d'espacesoccer.com.